vendredi 25 septembre 2015, à La Vie en BD, on passe une heure avec Silvio Camboni. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour plonger dans l'univers du 9e art, dans l'univers de la bande dessinée. Et peut-être avant de se lancer dans cette longue entrevue qu'on a bien hâte de vous proposer ce soir, quelques petits clins d'œil à l'actualité. Tout d'abord, vous avez peut-être vu ça passer sur les différents réseaux sociaux. Il y a une nouvelle récompense pour la bande dessinée qui vient d'être créée. Le prix de la critique ACBD, donc l'Association des critiques de journalistes et de bande dessinée, pour la bande dessinée québécoise. Alors, petit rappel, qu'est-ce que la CBD? Mais c'est une organisation qui existe depuis 1984, qui vise à promouvoir l'information sur la BD dans les médias et de réunir ceux qui traitent de ce sujet. On parle quand même de 83 membres actifs actuellement, des chroniqueurs de presse écrite en France, en Belgique, autant qu'ailleurs. Il y a quand même une petite grappe également au Québec, dont j'ai le plaisir de faire partie. Alors, c'est une belle nouvelle que de voir l'association ajouter donc à ses récompenses déjà existantes, donc Grand Prix de la critique, le prix Asie ACBD, les 20 incontournables de l'été, donc un prix qui souligne les talents de la bande dessinée québécoise et évidemment une récompense à saveur internationale pour ceux-ci puisque c'est l'ensemble des membres de l'association qui la sélectionne et du côté européen principalement, l'association a une fort belle résonance. Alors, il y a 3 finalistes qui ont été annoncés parmi les 115 titres d'auteurs québécois qui ont été publiés entre le 1er juillet et le 30 juin, donc 2014 et 2015. Alors, du côté des finalistes, donc, on parle de 23h72 de Blunk et de La Guerre des Arts de Francis Desharnais, deux titres qui sont publiés du côté des éditions Pow Pow, et également Les Aventures de Jimmy Beaulieu qui est publié aux Impressions Nouvelles, et ça, c'est l'édition européenne de l'album Non-Aventure qui a été publié au Québec chez Mécanique Générale. Le prix va être remis en novembre prochain. Et si vous êtes en train de préparer des agendas, sachez que cette fin de semaine, ça foisonne d'activités à Québec et ailleurs, mais à Québec tout particulièrement, puisque c'est là où nous sommes, il y a les journées de la culture, donc. Et ce qui fait que si vous allez faire un tour du côté du Musée national des Beaux-Arts du Québec, il y a la BDTech mobile qui s'y trouve pour la fin de semaine avec des animations en après-midi, 13h à 17h, avec Pierre Girard, alias Pichier. Il y a également du côté du Grand Théâtre de Québec, samedi, un spectacle qui s'appelle Entre le chaos et les mots, qui allie la danse, la poésie et la bande dessiner, donc des danseurs, des poètes, des musiciens et un dessinateur également, Christian Quesnel, qui est bien connu du côté de Gatineau, notamment des productions très, très visuelles, presque à la limite des arts visuels, d'ailleurs, dans certains cas, je pense à Ludwig notamment. Alors, il y a 3 représentations qui sont prévues, 11h, 13h et 15h, c'est gratuit en plus. Et aussi, il y a une animation du côté de la côte Badelard, une expo-vente, et il y aura quelques artistes aussi de la sphère BD qui seront là, je pense l'équipe de Copinet, Copino, entre autres. Alors voilà pour ces petits clins d'œil, toujours à La Vie en BD. Et maintenant, tel qu'annoncé, on a le plaisir d'avoir en notre compagnie, en ce vendredi, un auteur qui nous vient d'Italie. Il s'agit de Silvio Camboni. Bonjour. Bonjour à tous. Et Silvio, en fait, t'es à Québec à l'invitation de Première Ovation et du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Classe d'un maître, accompagnement, mentorat. T'es à Québec depuis août dernier. J'imagine que ça te permet aussi de prendre un contact privilégié, si on peut dire, avec le milieu BD québécois au sens assez large. Oui, en fait, j'ai pu connaître la ville déjà, qui est magnifique, parce que j'étais déjà été à Québec pour les festivals, mais il s'agissait juste de quelques jours, donc j'ai juste vu les festivals, le centre de la ville, mais cette fois-ci, j'ai pu vraiment visiter la ville et le Québec plus en général, ce qui m'a fait plaisir. Et oui, comme tu disais, j'ai pu prendre contact avec la communauté des auteurs BD de Québec, qui sont beaucoup, ils sont très bien, ils sont actifs, ils font plein de choses, et donc ça a été super amusant. Oui, puis en fait, ça permet d'accentuer les croisements, parce que des fois, on se penche beaucoup sur la francophonie, évidemment, quand on regarde la BD, mais quand on regarde, bon, les publications, il y a beaucoup d'auteurs italiens qui publient en français, et il y a un milieu BD qui est très dynamique aussi du côté de l'Italie. Oui, mais c'est différent parce que, tu vois, on a beaucoup d'auteurs italiens qui publient en France, notamment, et donc dans le demain francophone, comme tu dis. Mais ici, il y a une communauté active en général. Donc, j'ai été voir, par exemple, l'Impro BD, la Ligue. Ça a été rigolo. Je me suis bien amusé à voir mes collègues qui dessinaient en direct. C'est un truc que je peux pas faire parce que ça me stresse énormément. Vous avez une minute, donc pour moi c'est impossible. Et donc j'ai dit, oui, il y a de l'activité de production de livres, de BD, mais aussi un côté social de la BD que je ne connaissais pas. En Italie, en fait, il manque totalement. Donc en dehors de festivals comme celui de Lucca, par exemple, qui m'a-t-on dit, est un peu l'incontournable, donc ça reste plus de la création que de l'animation, si on peut dire. Oui, Lucca, c'est devenu un truc énorme, mais en fait... La BD, c'est resté un peu à côté parce que c'est devenu surtout un lieu de cosplay, des jeux, il y a plein de trucs incroyables, mais finalement, moi, j'ai un peu, je suis pas nostalgique de l'époque où Lucca, c'était que Lucca Comics, il y avait que des BD, en fait, et les auteurs des BD qui pouvaient se rencontrer, dîner, manger ensemble, échanger. Ça, c'est super compliqué. Je crois que la dernière édition a eu 400 000 assez, donc c'est énorme. C'est énorme. Pas une petite ville comme Lucca, je ne sais pas si tu connais, mais... C'est minuscule. En fait, ah, tout à fait, voilà. Et donc, sur Québec, tu viens pour les classes de maître, pour du mentorat. Quel genre d'accompagnement t'as pu faire, justement, j'imagine, auprès d'auteurs émergents, d'auteurs de la relève? Oui, en fait, il y a eu un groupe du participant assez varié. Il y avait un peu tout. La première question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que vous attendez de moi? Que c'était un peu mon intérêt principal, savoir qu'est-ce que je pouvais donner. Alors, chacun m'a répondu d'une façon différente, évidemment. Mais la plupart, c'était des trucs techniques. Donc les techniques que j'utilise pour réaliser mes BD, ou sinon l'approche artistique, on dit, même si c'est un mot un peu peut-être trop exigeant, mais l'approche mentale que j'utilise quand je fais mes ouvrages. Donc on a échangé sur plein de choses, c'était super intéressant pour moi, donc j'imagine pour eux aussi. Et après la première rencontre, que ça a été la rencontre officielle, on dit, on a eu l'occasion de se voir encore chaque semaine avec ceux qui voulaient me rencontrer encore. Et donc, ils m'ont amené les BD qu'ils faisaient, le fanzine, les illustrations, les tatouages aussi. Et donc, j'ai vu plein de choses différentes. Et à chaque fois, c'était un échange d'approches différentes. Et donc, c'est toujours, toujours intéressant. Et j'ai l'impression, en fait, j'essaie de cerner un peu ta philosophie, ton approche de dessin au fil de différentes entrevues. Et... j'ai l'impression qu'il y a un élément qui revenait beaucoup quand tu parles justement de ton travail de dessin, c'est la notion de lisibilité. Donc, indépendamment du contenu du dessin, il faut pouvoir bien lire, bien suivre. Il faut que le dessin, dans le fond, se mette d'abord et avant tout au service de la narration. Oui, en fait, je crois que c'est le point central de ma philosophie, si je mets une philosophie de ma BD. Et c'est ça. C'est pas juste dessiner. Des belles images, tu vois, on peut le faire, on peut faire des exercices de style, faire des images magnifiques, mais c'est pas le but. À mon avis, il faut raconter des histoires. La BD, en fait, ce sont des histoires racontées à travers du dessin. Alors, j'essaie de mettre mon dessin au service de l'histoire. Et donc, parfois, tu fais des choix qui sont des choix pas forcément étonnants à niveau rendu graphique, mais qui servent l'histoire. Et là, c'est un concept que j'essaie de transmettre à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des jeunes auteurs. Parce que parfois, t'as envie, surtout quand t'es jeune, de montrer que tu es bon, que tu es capable de dessiner des choses incroyables. Mais après, peut-être ça va surcharger la page, ça rendre la lisibilité compliquée. Et finalement, tu fais pas un bon service à ton lectorat, tu vois. Et donc, j'insiste à dire que il faut vraiment raconter au mieux l'histoire que tu dois raconter. Et donc, s'il faut une case simple, sans rien, il faut la faire. Avoir le courage de prendre des décisions que peut-être peut sembler minimal, mais c'est mieux peut-être. Oui, puis en fait, qu'il n'y ait rien de gratuit, dans le fond, que chaque case ait son utilité, que même justement la case où on s'éclate au niveau esthétique, ben qu'elle vienne amplifier le reste, au bout du compte, c'est toute l'art de la mise en scène, finalement. Oui, en fait, il y a plusieurs niveaux d'équilibration de l'ouvrage. C'est les livres, déjà la série. Il faut que la série soit équilibrée entre les différents tomes. Par exemple, Gargouille, sont 7 tomes, c'est assez beaucoup. Et donc, il faut qu'il n'y ait pas un livre qui soit carrément mieux de notre. Donc, il faut un équilibre entre la série. Après, dans chaque livre, il faut que tu as 46 pages, 48 pages, il faut qu'il soit équilibré. La lecture de la première page jusqu'à la dernière, tu dois jamais t'ennuyer ou t'éclater trop. Et il faut vraiment que le fil conducteur se suive facilement. Et après, il y a l'équilibre dans la page. Parce que la page est constituée de plusieurs cases, il faut que ça fonctionne au niveau graphique et au niveau d'histoire. Et après, c'est la case. Et la case aussi a besoin d'un équilibre en soi-même dans la case. Donc, il y a plein de trucs à gérer. C'est pas forcément facile, mais ça vient naturellement quand t'es habitué à le faire. Oui, en fait, c'est pratiquement un entonnoir d'une certaine façon aussi. Ouais. On commence par la case, puis après, on développe à partir de ça, j'imagine, ou? Ça dépend. Ça dépend. Chaque situation de l'histoire a son protagoniste. Parfois, c'est le personnage qui raconte une chose ou qui récite. Parfois, c'est un lieu, ou sinon c'est un objet. Ça dépend de l'histoire. Et donc, à chaque fois, il faut que l'attention du lecteur soit vraiment centrée sur ce que tu veux qu'il soit le centre de l'histoire. Et donc, il faut pas distraire avec d'autres situations qui sont peut-être très belles à voir, mais ça va rendre plus compliqué la lecture de l'histoire. Et il faut dire, à l'intérieur de ça, évidemment, de jouer avec le focus, comme tu disais. Et tout ça, dans ton cas, si on regarde un peu, j'incite les gens, s'ils connaissent pas ton travail sur des séries comme Gargouille, Les Mondes Cachés, Les Voyages Extraordinaires, visuellement, en fait, je pense que c'est des albums, on prend la page, on feuillette, ça éclate. C'est des images qui sont, je pense que le terme foisonnante, c'est celui que je préférais. Elles sont très riches. Et il y a un équilibre, justement, entre un foisonnement réussi puis un dessin qui est trop chargé aussi. Et j'ai l'impression que tu réussis, justement, à trouver le foisonnement sans tomber dans la surcharge. Mais ça doit être une ligne quand même assez difficile, justement, de bien la composer, de bien la travailler. Oui, je suis content que tu me dises ça parce qu'en fait, c'est le but de ma journée de travail, tu vois. Essayer de faire deux pages qui soient à la même fois lisibles, mais agréables à voir. Donc, le côté foisonnant, quand tu dis, oui, je le recherche, évidemment, mais pas toujours et pas en soi-même. Mm-hmm. J'essaie de faire, on dit toujours la même chose, mais c'est l'équilibre. Il faut vraiment, et c'est pas facile, c'est un exercice difficile à faire parce que ça veut dire parfois, aller plus loin de ce que tu avais imaginé au début et parfois savoir s'arrêter, c'est savoir dire stop, il faut pas aller plus loin parce que ça va gâcher les trucs. Et ton travail foisonnant en termes de détails, c'est très travaillé, recherché. Et il y a aussi toute la dynamique de couleurs qui est amenée par Conrad. Gaspard Yvan, voilà, merci. Donc qui lui aussi vient éclater aussi ton image. Donc toi tu l'imagines d'abord en noir et blanc. Après ça c'est lui qui vient ou il y a déjà des parce que dans le fond la couleur semble tellement intrinsèque à ce que tu proposes au niveau dessin. Donc ouais là je suis content qu'une fois de ce que tu me dis parce que c'est vrai c'est la fois où je me suis trouvé mieux avec un coloriste. Gaspard Yvan il a un talent énorme. D'abord il est un dessinateur donc il comprend très bien ce que je fais au niveau dessin. Donc on s'entend super bien, moi et lui. Il connaît l'histoire, il fait pas juste les techniciens qui mettent les couleurs. Et après, quand j'imagine la page, en fait, je l'imagine en couleur. Et donc, je la réalise en noir et blanc, mais en sachant qu'après, ça va être mis en couleur. Sinon, je ferais des choix complètement différents, parce que si tu regardes une page en noir et blanc, mes pages, notamment pour Gargouille, les monts cachés, les voyages, moi, je vois clairement que c'est un travail imaginé, pensé pour la couleur. Parce que si je savais que ça reste en noir et blanc, je ferais des choses vraiment complètement différentes. Je vais mettre du noir, du tram, du volume que je mets pas, parce que je sais qu'après ça va être à la couleur. Donc faut vraiment faire dans le travail de dessin, quand justement on dit bon, ok, c'est il y aura la couleur après et qu'il y aura un collaborateur autre que moi aussi qui va faire ce travail là, faut lui donner une zone de jeu, un peu comme le scénariste donne au dessinateur une zone de jeu aussi, j'imagine. Tout à fait, c'est ça. Et en fait, nous on aime dire qu'on est un trio qui travaille sur une histoire et chacune dans sa partie de contribution. Et après, comme on est copains, on est amis, on s'entend bien tous les trois, et tous les trois, on estime le travail des autres énormément, donc c'est facile. Après, oui, évidemment, parfois, on discute. Là, il faut mieux faire ça, là, c'est peut-être plus agréable ou efficace comme ça, mais ça fait partie du jeu. On n'a jamais le problème de dire, bon, il faut que tu fasses ça, et c'est tout. Non. Moi, je laisse que le coloriste fasse son travail, et Denis Pierre, quand il écrit son scénario, ils savent que c'est moi que je vais l'interpréter. Donc, a priori, il imagine des choses, mais les résultats, c'est pas toujours ce qu'il avait imaginé. Donc, il faut être un peu élastique, tu vois. Et tout ça dans un contexte où les trois univers dont on parle, autant Gargouille que les mondes cachés, que Voyage fantastique, extraordinaire, en fait, c'est de la construction d'univers aussi. Au bout du compte, on crée des univers imaginaires, on crée des mondes avec différentes règles aussi, avec différents contextes. Donc, j'imagine que ça ajoute un défi additionnel, que ce soit au niveau de... Ne serait-ce, j'imagine, que trouver l'image, les éléments qui vont lier les trois imaginaires ensemble aussi, celui de la couleur, celui du scénario, celui du dessin. Quand tu t'approches du monde fantastique comme ça, il y a des avantages et des désavantages. Les avantages sont que tu peux inventer des choses. Donc, tu n'es pas obligé, comme dans la BD historique, à être vraiment précis dans la documentation. Donc, s'il y a, je ne sais pas, un costume particulier, il faut que tu le fais exactement comme ça. Moi, j'ai la liberté d'inventer des choses. Mais par contre, il faut être croyable. Et donc, ça rajoute un défi supplémentaire, parce que tu vas dans le fantastique, mais tu dois aller dans une fantastique qui, après, soit croyable. Tu le regardes et tu ne dois pas dire « Ah non, mais là, ce n'est pas possible. » Donc, ça doit sembler vrai sans l'être. Il doit y avoir quelque chose en plus, en fait. Mais c'est la partie... intéressant en plus de mon travail. Donc, si je descends, je fais Paris, par exemple, comme je fais dans Les Voyages Extraordinaires, je suis amusé à faire Paris qui soit reconnaissable, parce que c'est clairement Paris, mais il y a des éléments qui n'existent pas, normalement. Et là, le défi, c'est de faire que le lecteur se reconnaît tout de suite dans Paris, mais après, il dit, non, mais attends, c'est différent, il y a quelque chose de... Et là, c'est la dimension fantastique que tu rajoutes. Et encore une fois, c'est une question d'équilibre, pas exagérer, mais pas être trop réaliste non plus, parce que c'est pas le but. Oui, un peu comme dans le design de personnages aussi, de créatures. En fait, il faut qu'on comprenne que la créature fonctionne d'un point de vue physique, mais il faut qu'elle soit suffisamment distante de créatures réelles pour qu'on se sente dans le fantastique, qu'on n'ait pas l'impression qu'on est dans une fiction qui se passe chez nous à côté. Et c'est de plus en plus difficile, parce que désormais, on est tellement surchargé d'images. Dans les BD, mais le cinéma, il nous surcharge chaque jour d'images incroyables, désormais faites avec des techniques super modernes. Et donc, imaginez des choses qu'on n'a jamais vues, des animaux imaginaires, que c'est encore plus difficile, mais encore une fois, c'est la partie intéressante. Et j'ai lu, Silvio Camboni, que tu, pour préparer justement le travail, que tu allais te documenter un peu, tu allais chercher des éléments d'inspiration pour l'ambiance. Et on pourrait développer un peu là-dessus, justement, avec les mondes cachés, le premier tome, où c'est le jardin japonais, dans le fond, qui a vraiment servi de base à la construction de cet univers-là. Donc, c'est important, dans le fond, d'avoir un élément, d'avoir un point de départ, d'une certaine façon. Oui, et là, parfois, ça arrive par hasard. Parce que les côtés japonais, c'était pas prévu au début dans l'histoire. Ça vient en fait d'une envie que j'avais moi. Et j'ai parlé de ça avec Denis Pierre. J'ai dit, bah, écoute, on va voir la petite amie de Grégoire. On peut faire une fille japonaise. On a réfléchi, mais pourquoi pas? À partir de là, on a imaginé que ses parents, ils étaient des japonaises, japonais qui étaient en France. Son grand-père, qui devient protagoniste de l'histoire, il est plus japonais que les parents d'Itsuki, parce qu'évidemment, la première génération, il était venu du Japon. Et donc, il s'est reconstitué un univers japonais au cœur du Paris. Et là, ça nous a donné un plus d'images à mettre dans cette histoire, qui, je crois que ça a rendu plus poétique toute la partie parisienne que... Oui, il y a Paris, il y a Montmartre, mais en plus, il y a la magie d'un lieu incroyable caché dans les petites rues de Paris. Oui, parce qu'en fait, pour situer les gens qui connaissent pas les séries Gargouilles et les mondes cachés, c'est des univers magiques aussi, dans le fond de l'histoire d'un gamin qui maîtrise justement les arts magiques. Dans Gargouilles, il les apprend, il les rejette au terme de la série et il doit, dans le fond, replonger dans cet univers-là qu'il avait rejeté avec la deuxième série, les mondes cachés. Donc, l'inclusion de la magie nous laisse aussi, j'imagine, beaucoup de liberté. On parlait d'imaginaire. Oui, là, en plus, on a fait un choix que je trouve génial. Et ça, c'est Denis Pierre qui l'a fait, évidemment. Grégoire, il a le problème qu'il est devenu mage au cours de 7 tomes de Gargouille. Et on n'est pas obligé de les avoir lus. Mais quelque part, on l'apprend tout de suite qu'il est un mage. Mais... il refuse la magie. Pourquoi il refuse la magie? Parce que, en fait, ses parents viennent de divorcer et il estime qu'en tant que grand mage, il n'a pas réussi à empêcher ça. Et ça lui, c'est une constatation amère qu'il fait et il dit, mais non, finalement, je suis un grand mage, mais la magie n'a pas vraiment servi pour moi. Oui, j'ai sauvé plein d'êtres merveilleuses, j'ai reconstitué le lien avec le monde de ma mère. Mais j'ai pas sauvé mes parents. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il refuse la magie au début. Et quand il a besoin de la magie, dans l'univers caché, justement, il peut pas l'utiliser parce que c'est un univers qui lui empêche d'utiliser la magie. Donc, bizarrement, on a une histoire avec Humash qui, au début, refuse d'utiliser la magie et après, il peut pas l'utiliser. Et en même temps, ce que je trouve très intéressant dans cette chronologie-là, c'est que dans le fond, on a un univers, Gargouille, dans lequel on a découvert ce gamin-là, Grégoire, et dans le fond, vous avez choisi de poursuivre cet univers-là, mais en même temps, de le réinventer aussi autrement, donc, mais de garder tout le travail de développement que vous aviez fait aussi autour de ça, mais en ne poursuivant pas, c'est pas Gargouille tome 8, c'est les mondes ouais. cachés 1, et je trouve que c'est surprenant peut-être comme ça, on voit pas ça souvent. Comme. Mais on a pris 3 ans, en fait, pour y arriver, et encore une fois, on a pris un défi compliqué, que c'était en même temps de poursuivre la série et avoir une nouvelle série. C'est pas évident. Et on parlait d'équilibre tantôt. Voilà. Et je crois qu'on a réussi. Et je le dis maintenant parce que je vois que les gens accrochent au livre. Et aussi, on a en effet des gens qui ont découvert le monde caché et vont découvrir après Gargouille. C'est le maximum qu'on pouvait avoir. Donc ça veut dire que quelque part l'opération est réussie, mais ça nous a pris des mois et des mois de réflexion entre moi, Denis Pierre et l'éditeur aussi, qui évidemment il était concerné. Quand tu fais des choix importants, il faut que l'éditeur soit partie du choix. Et donc oui, c'était ça l'idée, parce qu'en fait l'histoire de Gargouille s'est terminée au tome 7. Et nous, on n'avait franchement pas envie de faire un tome 8, comme tout le disait. Mais Grégoire, c'est un personnage qu'on aime. Il est entré dans nous quelque part. On l'aime beaucoup. Et c'était dommage de l'abandonner. Et donc, on a trouvé, c'est pas une astuce, mais c'est une moyenne de le revoir. Il est un peu grandi, il est devenu un peu plus ado. Donc, on a la possibilité de grandir les histoires avec le lectorat des gargouilles qui grandit en même temps. Donc, l'idée, c'était un peu ça. Et c'est à la fin, c'est le public qui décide si tu as vraiment réussi dans ton idéal. Et en même temps, Silvio Camboni, le premier tome de Gargouille, c'est pas toi qui l'avais dessiné. T'es arrivé sur le deuxième. Il a fallu que tu t'imprègnes un peu de l'univers graphique du premier dessinateur. J'imagine que le fait de faire cette césure-là, même si j'ai l'impression qu'au fil des tomes, tu t'es approprié, t'as amené vers ton univers, à toi, cet univers-là au niveau de Gargouille, mais ça te permet aussi de faire une césure puis de dire, OK, là, on en repart, puis là, c'est à fond dans ma couleur, puis c'est à fond dans ma vision de cet univers-là aussi. Ça a été difficile parce que Étienne Jung, qui était le dessinateur et coloriste du tome 1 de Gargouille, il avait fait un travail incroyable, magnifique. Surtout au niveau des couleurs, il y avait une ambiance, une poésie que je crois on n'a jamais retrouvé dans la série régulière Gargouille. On a changé 4 coloristes. On a eu un peu du mal ces côtés-là. Déjà parce que techniquement, Étienne, il faisait des pages en traditionnel, il faisait des grandes pages à la main avec une couleur directe. Et donc le rendre à l'ordinateur, c'est pas facile. Et donc déjà on avait un dessinateur différent, que c'était moi, et un coloriste différent. C'était très compliqué d'avoir un effet qui soit dans la continuité. On est plus ou moins réussi, je dis plus ou moins parce que avec les reculs du temps, je peux dire, on aurait pu faire d'autres choses. Mais ce qui m'a un peu aidé, c'est que Étienne, il avait choisi un style qui se rapprochait un peu de certains classiques Disney. Au moins, c'est ce qu'il m'a donné comme effet. Moi, je regardais son travail, je me disais, bon, là, on a un auteur qui cherche de recréer une certaine magie que c'est typique de Disney. Moi, j'étais un dessinateur Disney, je connaissais cet univers par cœur. Donc, je me suis dit, bon, je peux y arriver. Je crois que le résultat était différent, mais c'était impossible d'avoir le même résultat qu'il avait eux. Mais, comme tu disais, le temps après, tome par tome, et après encore, de m'approprier de l'univers, sans jamais refuser les choix faits au premier tome. On a encore là plein de trucs qui avaient été inventés par Étienne, on les a gardés. Mais évidemment, c'était naturel que moi, je m'appropriais du personnage, de l'univers, et le style a un petit peu changé tome par tome. Et ben en fait, on prend une courte pause là-dessus peut-être. Je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, qu'on a le plaisir d'être en compagnie du dessinateur italien Silvio Camboni. On prend donc une courte pause, le temps d'écouter tiens une pièce de tir Le Coyote, et on revient tout de suite après. Ton silence de monastère évoque la bombe atomique, les angoisses du triangle dans un orchestre symphonique. Pourquoi les traces de break, les barbeaux s'évachent sur ton égo, qu'ils prennent toute la place et même celle des mots, et même celle des mots. Toi, tu manges de l'asphalte et digères bien la distance. Ton cœur globe-trotteur est un voyage à crédit. Tu veux capturer la chance malgré ton passeport expiré. Tu dis c'est pas grave, y'a aucune douane sur le chemin de la liberté. Ce chemin de la liberté. Je cherche le moyen de scalper ta tristesse. Oh, joli hein. Mmh. faire dévier ta conscience, vaut mieux avoir ses licences. Laisse-moi mettre de l'espoir dans ta tincare méfiance. J'ai encore mon big wheel, il manquerait juste un peu d'huile. On va se taper Canasouta jusqu'à Rouyn-Noranda. Jusqu'à Rouyn-Noranda. Et si un jour l'avenir se décide à virer de bord, sois certaine qu'on s'arrangera pour y greffer quelques trésors. Je trouverai le moyen d'escalper ta tristesse. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique urbaine. Soulfinger, les vendredis 18h30 avec Jean-Sébastien Grondin. 100% Dynamite, les vendredis 19h avec Jean-Baptiste Duvigneault et Goulvendi. Dérapage, les dimanches 19h avec Patrice Drapeau-Bisson. Et Web Music, les dimanches 20h avec Simon Roy. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Vous pouvez également réécouter les émissions en balado diffusion sur le blog lavieenbd.wordpress.com et également me suivre sur voir.ca/Raymond-Poirier. Alors, on a toujours le plaisir d'être en compagnie de l'auteur Silvio Camboni. Et on parlait tout à l'heure, justement, de ton travail chez Disney. En fait, c'est là que tu as fait un peu tes premières armes. Tu as étudié en architecture, mais finalement, c'est l'univers du comics qui t'a appelé en premier, si on peut dire. Ouais, en fait, quand j'étais tout petit, j'étais collectionneur de Disney. Disney en Italie, à l'époque, c'était Topolino, que c'est une magazine hebdomadaire que je collectionnais. Ce que vous appelez les fumetti, en fait. Ouais, c'est ça, c'est les fumetti. Et j'ai rêvé, en fait, de devenir dessinateur de Topolino. Je m'entraînais, je faisais des essais, et finalement, quand je suis parti pour étudier à Milan, comme Milan, c'était le centre où il y avait la Disney qui venait de naître parce que au début, c'était Mondadori, un gros éditeur italien qui publiait sous licence Disney en Italie. Mais là, c'était l'année 1989, plus ou moins. La licence de Mondadori venait de terminer et Disney a décidé d'éditer directement le produit, les comics, les fumetti Disney en Italie. Je suis arrivé à ce moment-là, c'était le bon moment parce qu'ils cherchaient des collaborateurs. Donc, ils m'ont embarqué. Moi, j'étais tout jeune, je comprenais rien. Mais c'était le rêve qui se réalisait. Donc, pour moi, c'était une période incroyable. Moi, j'étais jeune, j'étais à Milan, j'étudiais, je pouvais faire ce que j'aimais faire. Et d'ici peu, j'ai commencé à être payé pour faire ça. C'est, pour moi, c'était « Ah, waouh !» Et j'imagine que ça a dû être une école assez formidable aussi, dans la mesure où il y a une rigueur dans ces grands studios-là qui est très particulière aussi. Ouais, en fait, c'était pas un grand studio. On était... La dimension, c'était assez petit au début. Après, ça a grandi progressivement. Mais à l'époque, on était, je crois, 10, pas plus. Mais ça a été super parce qu'on avait un maître qui nous apprenait faire du Disney. C'était Giovan Battista Carpi. Il est décédé maintenant, mais on a appris presque tout de lui. Après, on était tous à contact l'une avec les autres, donc on échangeait beaucoup. Oui, tu as raison quand tu dis que ça a été une école formidable, parce qu'on s'est vraiment formé. On allait en rédaction, on faisait plein de petits travaux pour les articles, donc des petits dessins. Et ce sont des choses que nous ont vraiment appris s'est confronté avec le marché et la réalité des choses. C'était plus qu'un rêve, mais c'était la réalité et on devait se confronter et chaque jour. Et là, c'était vraiment formatif. Et j'ai l'impression, en fait, d'un côté, il y a ce parcours de dessin qui s'est poursuivi, évidemment, avec moult albums. Et en parallèle, le côté magazine aussi de la chose, le côté un peu plus média de la chose s'est poursuivi aussi, parce que tu fais des interventions médias, t'es journaliste aussi en parallèle. Donc, c'est les deux univers ont démarré un peu de cette expérience-là? Pas forcément. En fait, je crois d'être le seul qui a fait plein de choses. Mais je suis toujours à la recherche de... En fait, je crois que ça vient du fait que je m'ennuie à faire toujours la même chose. Donc, moi, j'aime faire la BD. J'aime beaucoup faire la BD. Mais je pourrais faire tous les jours, chaque jour de ma vie, pour 8 heures que de la BD. Je trouve que ça, à la fin, tu vas le détester. Et donc, je veux pas ça. Et donc, j'ai cherché toujours de faire d'autres choses à côté. Donc, je fais la BD pour le monde francophone. Je fais Disney en Italie, je fais Disney pour les Américains, je fais des couvertures Disney pour le marché américain, je fais du Disney pour Egmont, que c'est l'éditeur du nord d'Europe qui fait Disney dans ces parties-là. J'ai fait d'autres choses, de l'animation, de dessin animé, et après je fais le journaliste à la radio aussi. J'essaie de trouver des choses pour m'amuser toujours sans m'ennuyer à faire une seule chose qui est peut-être plus rentable, parce que si tu fais des pages, tu vas toucher plus d'argent. Mais finalement, il faut aussi vivre, avoir une vie qui soit ce que tu aimes avoir. Et est-ce que ça expliquerait aussi peut-être le fait que, en fait, on a parlé tantôt des mondes cachés, on a parlé de Gargouille, univers fantastique évidemment, et avec l'autre série, Les Voyages extraordinaires, on reste dans le fantastique, mais on va complètement ailleurs aussi, on est dans le steampunk. Est-ce que ça vient un peu dans le désir de dire, ok, ben on a fait cet album de Gargouille, j'en ferai pas en parallèle quelque chose dans le même genre, je vais aller complètement ailleurs. Là on venait de terminer en fait l'épopée de Gargouille, on avait envie de faire notre chose. Justement, comme tu l'as dit, Denis Pierre m'a proposé cette idée qu'il avait. C'était steampunk, c'était Jules Verne comme esprit. Moi, j'ai aimé le principe. Là aussi, il y avait les côtés fantastiques, donc on pouvait inventer des choses. Voilà. Et après, là, c'est un univers que j'ai créé totalement à moi. Donc, contrairement à Gargouille, où j'ai dû m'adapter à l'univers créé par Étienne, sur le voyage extraordinaire, j'ai pu créer mon univers à moi. Et donc, ça a été évidemment compliqué, mais les résultats, c'est quelque chose que je sens plus personnel, évidemment. Et oui, mais là aussi, j'ai jamais fait du voyage. J'ai fait du voyage, après un peu de Disney, après d'autres choses. Sinon, ça devient trop lourd. Oui. Et même dans les nouveaux éléments, on retrouve beaucoup dans l'univers steampunk, c'est des robots, c'est des machines, c'est j'imagine d'autres types de recherches mécaniques, si on peut dire, aussi à faire pour, on parlait de la crédibilité, justement, de la chose. Alors là, il faut qu'on ouvre une porte énorme, que c'est la porte de la documentation. Et là, c'est une des arguments que j'ai traité avec les participants à ma classe des maîtres. C'est une partie très importante, parce que oui, tu fais du fantastique, mais il faut se documenter très bien, parce que tu dois faire un robot, il faut que tu sois croyable, encore une fois. Donc, tu recherches des robots qui existent. Après, c'est comme faire du mécano, tu les démontes, et après, tu recrées quelque chose de nouveau à toi, mais qui soit croyable, qui soit réaliste, même si c'est pas du réalisme, mais il doit être réaliste, entre guillemets, tu vois. Et donc, ça fonctionne comme ça pour les robots, pour l'architecture, pour la végétation, pour tout, en fait. Et les animaux merveilleux, là aussi, c'est du mécano biologique. Oui, c'est vrai. Et quand on tombe dans des univers comme ça, est-ce qu'on va chercher un peu ce que d'autres ont fait? Si on reste dans l'exemple steampunk, on peut penser à des trucs d'Alan Moore, par exemple, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. On peut penser aussi au travail de Tezuka du côté asiatique. Est-ce qu'on va plonger un peu dans ce type de travail-là, ou est-ce qu'on essaie de développer sa vision de la chose? Oui, c'est plutôt la deuxième. J'essaie d'éviter de me référer à quelque chose qui existe déjà. C'est parce que ça risque d'être les résultats d'être quelque chose de déjà vu et pas forcément agréable. Moi, je cherche plein de trucs, des choses, des images, mais qui arrivent de plein de demandes différentes. Donc, c'est des illustrations, des photos, ou après, des films. Et après, encore une fois, j'essaie de démonter tout ça et reconstituer ce que j'avais en tête du début dans mon imaginaire. Parce qu'en fait, tu pars toujours d'une imagine que tu as dans ta tête, mais elle est un peu floue au début. Il faut la rendre plus concrète petit à petit. Et là, j'utilise des images qu'après, je reménage. Et en même temps, dans la rythmique, dans la dynamique du récit, on est aussi dans un peu plus dans le roman d'anticipation. On est dans un côté aussi des clins d'œil à la littérature du 19e. Les couvertures sont façon des couvertures des romans Hetzel. Ouais. Donc, il y a quand même une dynamique de clins d'œil, de référence, dans le style, dans le visuel aussi. Donc, on joue un peu aussi avec ça. Ouais, là, évidemment, on est dans un univers vernien. On retrouve, on voit, mais les histoires sont des histoires totalement originales. Et donc, il y a un côté, oui, de clin d'œil, comme tu dis, de référence. Il y a aussi un côté, comment on dit, commercial, parce mm-hmm. qu'il faut aussi vendre, malheureusement, sinon, tu peux pas exister, finalement. Donc, oui, on a choisi de refaire les couvertures en style Hetzel, parce qu'on voulait accentuer cet effet vernien. Créer une filiation, presque, d'une certaine façon. Ouais. Une parenté d'imaginaire, mettons. Ouais, ouais, une chose comme ça. Mais, en sachant qu'il s'agit toujours des histoires, ce sont pas des adaptations de Verne. Il faut être clair. Ce sont des aventures originales, qu'on a écrites, imaginées, dessinées, colorées, nous, sans avoir à copier nulle part, mais juste, avec une idée du monde de base, voilà, que c'était ça. Et est-ce qu'on essaie justement d'insuffler, quand on est dans des univers un peu, dans des récits, j'imagine c'est au niveau du rythme, est-ce qu'on essaie de donner un rythme différent, ou de trouver dans le fond le bon rythme pour ce type de récit-là, versus ce qu'on faisait dans Gargouille, versus ce qu'on allait faire ensuite dans Monde Caché, donc chaque univers qu'on développe, dans le fond, est son rythme, est au-delà de l'ambiance, on peut dire. Oui, oui, évidemment, évidemment. Chaque histoire, chaque récit a son rythme à soi. Et là encore une fois, c'est difficile à trouver la bonne solution. Et tu essaies, tu fais des essais. Quand tu fais un choix, tu ne sais jamais ce que ça va donner. Mm-hmm. Tu le découvres après. Mais quand tu le découvres, tu peux pas revenir en arrière. Donc là, c'est l'expérience. T'as déjà fait des erreurs, t'as déjà fait des bons choix, et donc petit à petit, ça fait un patrimoine d'expérience que tu mets en place à chaque fois. Oui, j'imagine que dans le fond, quand on s'attaque à un nouvel univers, il y a une période d'entraînement à la limite pour le dessin. Mais ça dépend. Moi, je fais pas trop ça. Parce que ce que je fais, c'est de faire des storyboards assez rapides. Ça me permet d'avancer dans l'histoire, que c'est, comme je disais, c'est la partie plus importante, mm-hmm. à mon avis. Une fois que l'histoire est posée au niveau des dessins, alors je peux me prendre la pause et commencer à mettre les détails. Donc, je accentue les recherches, je vais chercher d'autres images, parce que là, ça changeait quelque chose dans ma tête. Mais l'histoire est déjà là. Et pour moi, c'est important. Moi, je peux pas mélanger le style à l'histoire. Parce que ce sont deux moments différents. L'histoire, ça vient du cœur, de la tête, du temps. C'est une question plus instinctive. Mais après, il y a la partie technique. Et là, c'est difficile techniquement, mais plus facile parce qu'il n'y a pas à réfléchir. Il y a juste à appliquer les choses que tu as déjà appris. Oui, puis j'imagine, en fait, c'est qu'on sait aussi sur quels éléments, justement, on a besoin de donner l'emphase, à quel moment c'est le personnage qui domine, à quel moment, ben, OK, là, le décor devient peut-être lui-même, ouais, un personnage aussi. Ça nous permet aussi de discuter à plusieurs étapes, parce que nous, on discute sur l'histoire quand elle est juste écrite. Après, on discute sur l'histoire quand elle est déjà en storyboard. Et là, on a encore le temps et la place pour changer des trucs, des choses. je peux revenir en arrière, dire non, là, j'ai exagéré, je vais enlever ça, je vais le déplacer là, pour trouver les rythmes, pour voir si ça, si ça s'enchaîne bien, si, les, si ça roule comme il doit. Une fois que les choix sont faits, là, c'est la technique. Il faut faire des pages et là, il faut qu'il soit des belles pages. Oui, en fait, ça me fait penser à une expression au niveau de la collaboration que tu as avec Denis-Pierre Philippi, justement, sur les différentes séries. Tu l'avais décrit, je pense, en entrevue comme une collaboration 360 degrés. Ouais. Et je pense qu'on le sent bien. Dans le fond, chaque étape, il y a du dialogue, il y a des échanges. Et vous, c'est vraiment, c'est pas à quatre mains, mais dans l'esprit, ça l'est un peu. Ouais. En fait, moi, je pourrais pas écrire les histoires que Denis-Pierre écrive, mais je peux donner mon contribution. Denis-Pierre, il n'est pas capable de dessiner les pages que je dessine, mais il peut donner son contribution à lui. Et donc, on essaie de vraiment s'aider à chaque étape avec un but commun, que c'est le résultat meilleur possible pour les livres. Et après, on fait ça avec Gaspard aussi pour la mise en couleur. On lui laisse toute la liberté, mais après, on discute. Et parfois, on discute même trop. On est chiant, on est. Mais je parle pas avec Gaspard, je parle entre nous. On est chiant entre nous, on est pinailleux. Mais ça fait partie de l'amour qu'on porte à notre travail. Oui, puis en même temps, en fait, avec dans le cas de Denis-Pierre Philippi, vous l'avez découvert. En fait, tu l'as découvert au premier album au deuxième album de Gargouille, au deuxième de la série. C'est un peu une collaboration qui est venue par hasard, mais finalement qui s'est fait durable. Je pense que vous êtes partout ensemble, du moins sur la plupart de tes séries. Il est présent quand t'es en BD. Mais je crois que ça arrive naturellement quand tu t'entends bien avec notre auteur, personne. Nous, on est devenus d'abord collègues, collaborateurs, après amis, copains. Maintenant, on sait qu'on est super bien, on connaît les familles, on s'est vu plein de fois. On est capable de comprendre quand il faut s'arrêter, laisser un peu plus de place à l'autre, et vice-versa. Donc, ça fonctionne, et c'est beau comme ça. Oui, ben en fait, j'ai l'impression que quand il y a une bonne chimie en arrière-scène, ça se ressent aussi dans le produit, dans le rendu final, dans le fond. Parce que, justement, on parlait au départ de cohésion entre les différentes étapes, pour qu'on sente que la couleur et le dessin s'imbriquent, il faut qu'il y ait une certaine chimie. Même chose avec le scénario, donc faut qu'il y ait une cohésion dans les imaginaires, dans le fond. Donc. Oui, moi, j'ai des situations où j'ai dû faire des histoires que je n'aimais pas. Et ça change complètement la donne, parce que tu ne retrouves pas... T'as pas envie de faire des changements parce que tu sais que ça va être mal pris. Et donc, à la fin, le résultat, c'est plus moyen. C'est bien, c'est publiable, mais il manque quelque chose de plus qu'on trouve quand on peut vraiment échanger librement et avec la liberté qu'il faut, tu vois, sans avoir crainte d'être trop chiant, trop pinailleur. Parce que parfois ça arrive et je dis non, arrête là, il faut avancer. Mais tu l'as dit, on l'a exprimé et là c'est bien. Et là, dans le fond, vous développez ensemble, évidemment, on l'a mentionné, les voyages extraordinaires, il y a aussi les mondes cachés qui commencent. Il y a le désir de faire une deuxième trilogie de voyages extraordinaires, ça c'est déjà en travail? Oui, en fait, c'est plus qu'un désir, c'est une réalité. Ouais, en fait, je pense que c'est le storyboard est fait. Là. Non, moi, l'histoire c'est déjà dessinée. Tout est fait, ok. Oui, le premier tome de la deuxième trilogie, parce que ça sera une autre trilogie, le titre sera Les îles mystérieuses. Moi, j'ai déjà terminé, je dois juste finaliser la couverture. Donc, il manque juste la partie de Gaspard. Mais Gaspard, maintenant, est sur... il est sur les îles, en fait. Oui, il est plus ou moins à moitié des îles. Donc, voilà, le livre, il est là. Et après, on va commencer... Maintenant, je vais attaquer le tome 2 de Le Monde Caché. Et après, je vais enchaîner le des îles mystérieuses. Donc, voilà. Donc, on retrouve le parallèle qu'on souhaitait un peu aussi. Oui. Et aussi, il y a du Disney. C'est comme toujours, c'est ma vie. et toutes ces expériences-là, ces contextes-là, j'imagine qu'ils viennent s'enrichir l'un l'autre, en fait, du Disney vers la BD, même en ouvrant vers l'expérience d'architecture au niveau des études, ça vient former un peu ton trait, ton approche, ton travail. Oui. Au moins, je l'espère. C'est-à-dire que j'ai toujours imaginer que faire plusieurs choses va être plus riche que faire très bien une seule chose. Je me dis, tu vois aussi, le choix de venir à Québec 2 mois, ça vient de ça, ça vient de l'envie de connaître des choses différentes, un style de vie différent, des personnes différentes. Et je deviens à chaque étape une personne, je crois, meilleure, au moins je l'espère. De toute façon, si tu restes toujours chez toi, tu fais rien, tu fais toujours ton travail, ça, je crois que ça va devenir moins intéressant. Et à travers, j'imagine aussi, le travail de conseil, mais ça... En fait, ce qu'on dit souvent, c'est qu'en enseignement, ça permet de théoriser des trucs qu'on fait ou de réfléchir à notre pratique en expliquant la pratique à d'autres. Oui. Là, c'est une chose importante que tu dis. En fait, il y a, à mon avis, plusieurs, comment dire, modèles de dessinateurs. Il y a le dessinateur super talentueux qui n'a jamais dû réfléchir à ce qu'il fait. Parce que ça vient naturellement, ça vient tellement bien qu'il le fait et c'est tout. Et moi, j'ai pu échanger avec ce genre de dessinateur. Il n'est jamais capable vraiment de m'expliquer comment il fait des choses. Par contre, moi, je suis un dessinateur un peu moins talentueux. J'ai dû travailler beaucoup sur moi et sur mon style et sur mon travail. Donc, je connais toutes les étapes que j'ai faites. Et je suis capable de le réexpliquer à quelqu'un d'autre. Et donc, je crois qu'il faut être des dessinateurs un peu moins talentueux pour pouvoir aider d'autres, je crois au moins. Et quel genre de conseils on essaie de donner? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de recette non plus pour un dessin réussi, c'est des ingrédients, mais quels ingrédients mettre? C'est un peu comme la chimie, dans le fond. Dans une narration, 2 ingrédients vont fonctionner. On change le contexte, puis finalement, on repart à zéro aussi. Il n'y a pas, comme tu l'as dit, une recette. Ça, c'est trop facile. Il faut juste l'appliquer. Non, ça n'existe pas. Et il n'existe même pas des conseils toujours valables. Parce que chacun a son style. Et donc, il faut adapter les trucs techniques, les conseils à la personne avec qui tu t'adresses. Parce que sinon, ça risque d'être des choses comme ça. Et alors, j'essaie d'éviter au maximum de donner des recettes toujours bonnes, parce que c'est une chose qui n'existe pas. Il faut réfléchir, il faut voir si la personne que tu as devant toi, essayer de comprendre ce qu'il veut faire et l'aider à faire ce qu'il veut faire. Mmh. Après, évidemment, oui, il y a des choses qui sont toujours bonnes. Il faut s'engager à fond, parce que sinon, tu n'arrives nulle part. Il faut travailler beaucoup, sinon c'est inutile. Tu ne peux jamais arriver à un certain niveau si tu ne t'engages pas à fond et tu bosses énormément. Et il faut savoir connaître, s'inspirer, regarder les autres, apprendre des choses, sans une règle particulière, mais juste de ton cœur. Si tu aimes tel dessinateur, tu regardes et tu essaies de regarder pourquoi tu l'aimes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui t'a touché? Il faut que tu trouves quelque chose pour toi qui peut toucher quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, en réfléchissant sur ce qui, moi, me touche comme observateur, dans le fond, comme lecteur, ben, je vais arriver peut-être à voir qu'est-ce que moi, j'ai envie de proposer à d'autres pour les toucher de la même façon que le travail de d'autres m'a touché, m'a marqué. Oui, c'est ça. Finalement, c'est ça. Et après, il faut comprendre que c'est difficile. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Quand je dis difficile, c'est pas difficile faire des BD ou des histoires. C'est difficile arriver à publier, avoir un éditeur qui te paye pour faire ça et de vivre de ton travail, que c'est pas forcément le cas pour tous. Et là, c'est compliqué parce qu'il faut être à la même manière soi-même, donc tu dois exprimer toi-même, mais il faut avoir un lectorat, sinon ça se tient pas. Et donc, il faut faire des choses qui sont appréciées. Et là encore, c'est une question d'équilibre. Et si les gens veulent voir un peu qu'est-ce que tu as offert, je rappelle, Silvio Gamboni, on peut lire et découvrir la série Gargouille, les 7 tomes. Il y a donc Les Mondes Cachés, une première trilogie qui s'amorce, déjà un premier tome de disponible. Il y a une première trilogie qui a été faite, Des Voyages Extraordinaires, une deuxième qui s'en vient également. Donc, c'est 3 univers qu'on peut découvrir et à travers lesquels on peut découvrir les différentes facettes de ton travail. Silvio Gamboni, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à toi et merci à tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter. Et peut-être à la prochaine, qui sait, en Italie ou au Québec. J'espère bien d'avoir une prochaine fois ici, parce que j'ai bien aimé. Donc, je veux remercier aussi la ville de Québec, si tu veux, parce que ça a été super joli. Voilà. Silvio, merci beaucoup. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. C'était Raymond Poirier au micro avec vous. Et la semaine prochaine, on aura Francis Desharnais et Alain Dufour avec nous. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.